Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Caprice de lecture où aujourd'hui je reçois Jean-Christophe Herbstein. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Sarah. Je suis ravie que tu aies accepté cette invitation, d'autant plus que j'ai vraiment adoré les aventures de Kaplan, les deux tomes. Merci. Dont on va parler là pendant tout le long de cette émission. Donc, petit rappel pour nos auditeurs, cette émission se décompose en 5 questions qui sont exclusivement consacrées à l'invité. Donc Jean-Christophe, c'est toi la star aujourd'hui. J'en ai de la chance. T'as énormément de chance. Avec des coupures musicales que tu as choisies et tu nous expliqueras un petit peu pourquoi tu as choisi ces coupures. Jean-Christophe, je crois que tu es prêt, archi prêt. Oh, je suis à fond. T'es à fond. Alors on commence, première question. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce qui t'a amené à l'écriture de romans ? Alors, on va enlever le roman, l'écriture, je le fais depuis... J'ai presque le berceau, puisque mes deux parents étaient journalistes et ma mère, sur son lit de maternité, prenait des notes pour un reportage qu'elle était censée faire, mais qu'elle ne pouvait pas faire, parce qu'elle venait d'accoucher. Forcément, elle était occupée à autre chose. Donc, l'écriture, j'ai toujours écrit. J'ai été journaliste pendant 25 ans à l'Est Républicain. Donc, j'écrivais des articles, mais c'est vrai qu'on était un peu formaté. Un article, ce n'est pas un roman. Ma mère disait souvent, j'en parle beaucoup, que j'avais ce qu'on appelle le souffle court. Alors pour un journaliste, c'est pas mal parce qu'on écrit court. Ouais. Mais pour un romancier, il faut quand même. Alors, je me suis mis à un moment, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Il y avait le confinement, allons-y. J'avais plein de petites bribes, plein de petits ingrédients. Tu avais l'idée, mais pas le temps alors, peut-être, du coup. C'est pas le temps. Le temps, je le trouve, ça se trouve toujours, mais l'opportunité. Voilà, c'est important, l'opportunité. Donc, j'ai trouvé cette opportunité. Il y a eu un déclic. Je me suis dit, toutes ces pièces de puzzle, tous ces ingrédients de couscous, si je puis dire, eh bien, ça fait un plat, ça fait un roman. Et t'as très bien fait. Bah oui, je pense. Ah oui, t'as très bien fait. Alors ça m'amène à la deuxième question. Donc le héros de tes romans s'appelle Kaplan. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai même beaucoup souri parce que Kaplan c'est un journaliste très gaffeur qui est toujours là où il ne doit surtout pas être. Il me fait beaucoup sourire. Il fait un petit peu gauche comme ça. J'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup, mais par contre, pourquoi tu as choisi ce profil ? On s'attend à un gars un peu un vieux de la vieille de l'enquête, quoi. Bah oui, mais alors en fait, Sarah, en fait, on écrit toujours sur ce qu'on voit. Alors, en l'occurrence, c'est ce que je voyais dans mon miroir le matin. Donc, je me voyais, voilà. Et c'est, donc je me suis regardé, je me suis vu. Je ne me suis pas regardé le nombril, mais enfin, pas loin. Mais en tout cas, ce journaliste débutant gaffeur, ça a été moi. Alors, c'est... pas totalement moi, c'est un moi augmenté, c'est un personnage malgré t'as tout. T'as un peu affirmé les traits. Il m'est arrivé pas mal de péripéties dans ma carrière de journaliste, plein de choses. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois, il y a des gens qui disent « oui, ça va servir à progresser au meilleur demain ». Et ben moi, je me disais « tiens, ça me servira peut-être à quelque chose, peut-être à un livre, peut-être à un film ou quelque chose ». Donc finalement, j'ai emmagasiné tout ça. Mais le fait d'être maladroit, je le maintiens, c'est une vraie qualité. C'est une qualité d'être maladroit. Dans mes maladresses, il m'est souvent arrivé, effectivement, tout comme Kaplan, de parvenir à mes fins parce que le maladroit, c'est exactement comme dans La Chèvre avec Pierre Richard, bien le maladroit, il a un ange gardien surentraîné, n'est-ce pas, qui lui permet finalement d'avancer plus vite que les autres. Ok, c'est une belle description du maladroit, j'aime beaucoup. On va commencer par ta première coupure musicale que tu as choisie, c'est « Je cours seul » de William Scheller. Pourquoi cette chanson ? Alors j'aime beaucoup William Scheller. Alors j'aime beaucoup William Scheller parce que je suis un fan, je ne sais pas si on peut appeler ça un fan parce que le terme est un peu faible, de Barbara depuis ma tendre enfance. Et William Scheller était un musicien de Barbara. C'est elle qui l'a incité. Et je cours tout seul parce que j'en parle dans un de mes romans, effectivement, parce que j'aime bien remettre des connotations. Ça se passe dans les années 80. J'aime bien remettre des musiques, des ambiances. Et je cours tout seul. On va faire de la philosophie à deux balles. C'est l'histoire de la vie, finalement. On court toujours tout seul, finalement, jusqu'à la fin, jusqu'à la ligne d'arrivée. Ok, donc tout de suite avec William Scheller et on se retrouve juste après. La vie c'est comme une image, tu t'imagines dans une cage, ou ailleurs. Tu dis c'est pas mon destin, ou bien tu dis c'est dommage, et tu pleures. On m'a tout mis dans les mains, j'ai pas choisi mes bagages en couleur. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage de bonheur. Et je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui me parlent peut-être. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Si je ne te comprends pas, apprends-moi ton langage, dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Histoires que j'aime bien, j'ai parfois pris du retard, mais c'est rien. J'irai jusqu'au bout du chemin, et quand ce sera la nuit noire, je serai bien. Faut pas que tu penses à demain, faut pas dormir au hasard, et tu tiens. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage, un matin. Et je regarde ceux qui s'allument aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'aimerait peut-être. Trop je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Même si je te comprends pas, apprends-moi ton langage, dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Trop je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. S'endorment aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'oublient peut-être. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. On vous dira sans doute que mon histoire est bizarre, je sais, mais je peux pas m'arrêter. Y a plus de nom sur les gars. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans cette émission de Caprice de lecture qui est toujours consacrée à Jean-Christophe Herbstein. Comment vas-tu, Jean-Christophe ? Oh, bah, jusque-là, ça va, je cours tout seul, donc ça va. Tu cours tout seul, donc ça va. J'ai le bon souffle, ça va. T'as le bon souffle. Alors, troisième question. Quand on lit les deux tomes des aventures de Kaplan et quand il parle un petit peu de sa salle de rédac, moi, j'imagine une salle de rédaction avec un nuage de fumée autour, des grands impairs, de l'odeur de café froid. Est-ce que c'est réellement cette ambiance que tu as voulu retraduire ? Moi, je me situais plutôt sur fin des années 70, début 80. Est-ce que c'est un choix délibéré ? Est-ce que c'est une part de nostalgie ? Puisque tu disais que tes parents étaient aussi du métier de journaliste. Tu peux nous en dire un peu plus ? Je crois qu'il y a, les deux. Je décris l'ambiance telle que je l'ai connue, que ce soit moi ou plus jeune quand mes parents. Ma mère était chef d'agence de l'Esprit Bucard Lunéville et on habitait au-dessus. Donc, voilà. Donc c'était l'appartement de la chef d'agence, donc on baignait dedans. Moi, j'ai connu ça. Tout le monde clopait, effectivement. Un jour, je me suis baissé pour aller chercher mon stylo et j'ai vu que l'ordinateur était noir derrière. C'était génial. Et on tapait à la machine. Moi, j'ai commencé à taper à la machine. La machine à écrire. Et bien sûr, avec les doigts qui s'enfonçaient. J'avais même des confrères qui ne tapaient même pas à la machine, qui écrivaient à la main. D'autres qui dictaient leurs textes. Alors, je te laisse imaginer le jour où on a amené une espèce d'ordinateur avec un écran, un clavier et une un mulot, comme disait Chirac à l'époque. Ça a causé un peu des difficultés. Hein, ça a causé un petit peu des difficultés. Mais ça, cette ambiance, je l'ai connue. J'ai connu de très vieux journalistes, puisque j'étais plus jeune. J'avais 21 ouais. ans. Donc après, le type d'après, il avait quoi, 35 ans. C'était déjà un vieux à l'époque, pour moi. Voilà, hein, on est toujours le vieux de quelqu'un. Exact, le jeune. On est toujours le vieux donc, de c'était quelqu'un. C'était un vieux con, voilà. Et moi, j'étais sans doute un jeune con aussi, mais je ne le savais pas encore. Toujours est-il que tous ces vieux journalistes et vieux de la vieille, et je peux te dire qu'à Besançon, quand j'étais jeune journaliste, on m'envoyait, parce que j'étais le plus jeune, aux Nouvelles Galeries. Tout le monde mettait une pièce de 10 francs sur la table et j'achetais une bouteille de whisky, une bouteille de scotch. C'était le dernier prix, enfin le premier prix. Ouais. Toujours la même marque, une bouteille de Perrier. Le lendemain, il n'y avait plus rien. Ah, okay. C'était quand même grandiose. Hein, voilà. Ah, oui. C'était terrible. C'était, comment dire, que ce soit chez les flics, chez les journalistes, partout, il y avait des profils peu atypiques, oui. hein, un peu atypiques, des personnalités, des grandes gueules, ouais. etc. On est rentré maintenant dans des profils beaucoup plus lisses, finalement. Plus lisses, un peu fadasses, etc. Mais c'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, tout est un peu stéréotypé maintenant. Oui, bien sûr. Mais là, moi, je l'ai vécu. Moi, j'avais un chef d'agence à Besançon, un adjoint. J'ai mis un mois à comprendre qu'il m'adressait la parole parce qu'il me tournait le dos, il parlait. Je me dis, il est fou, il parle tout seul. Et en fait, il m'adressait la parole, il ne regardait pas. Donc, c'est assez drôle. C'était des bons moments. C'était, ouais. Et puis, c'était un moment où le journal était lu. Hein, le oui. journal était beaucoup quelque chose. Que hein, c'était une espèce de service oui. public de l'information, donc incontournable. C'était l'âge d'or. Voilà. OK. Ce qui n'existe plus. D'où cette référence, justement, dans ton roman. Oui, voilà. Un peu de nostalgie, parce que je décris, finalement, mes années de jeune journaliste. Ouais. Hein, voilà, le journaliste tel qu'on l'entendait à une époque. J'ai des jeunes confrères qui viennent me voir, notamment au Livre sur la Place. Il y en a un, il vient me voir, il me dit, écoute, j'achète ton livre parce que je voulais savoir comment ça a été avant. Alors, je dis, tu sais, avant, c'était bien. Avant, c'était mieux. Je ne dis pas que c'était mieux, mais c'était bien. Oui, c'était une autre ambiance, plus conviviale. C'était autre chose. Ouais. Ça n'a plus rien à voir. Ok. Alors justement, on reste dans les personnages de notre amie Kaplan. Eva Frémont, femme haute en couleur, qui n'est autre que sa rédac-chef. Oui. Sa patronne, qui l'intimide. Voilà, et moi, je l'imagine un peu comme une femme fatale, avec des barésilles, voilà, une femme de tête. Alors, si on resitue un peu dans le contexte, c'était, alors je ne dirais pas avant-gardiste, hein, mais c'était un peu... Voilà, oui. À l'époque, ce n'était pas vraiment ouais. ça. Enfin, on dit à l'époque, il y a 40 ans, grosso ouais. modo. Oui, alors moi, là encore, j'ai le modèle de ma mère, qui était la première femme journaliste à entrer à l'Est républicain, hein, dans la fin des années 50. Alors, tu parles de femme fatale. Moi, je parlerais plutôt d'arme fatale, parce qu'elle était, je veux dire, quand elle écrivait un truc dans le journal, que ce soit Thionville, à Nancy, après à Lunéville, elle faisait ce qu'on appelle des échos. Hein, c'est des trucs un peu vacheurs. Bah, je peux dire qu'il y en a une paire qui tremble le matin en ouvrant ouais. le journal. Hein. Ouais. Et elle était extrêmement respectée, extrêmement aimée. Donc c'est un peu cette personnalité un peu de femme assez autoritaire, compétente. Hein, voilà. Oui. Sur le plan physique, je me suis inspiré de personnages de blonde Hitchcockienne, Hitchcock, ouais. Puisque je suis là aussi un inconditionnel de cinéma et plus particulièrement d'Hitchcock, d'où de nombreuses références. Et voilà, donc Eva, c'est le nom de Eva Marie Saint qui joue la blonde Hitchcockienne dans La mort aux trousses, voilà. Et Frémont, son nom de famille, c'est le nom du personnage. Voilà, donc okay. on peut pas mieux choisir. On est à fond dedans. On est à fond dedans. Donc voilà, moi je suis, moi j'ai toujours vécu dans un monde entouré de femmes. Voilà, de femmes de caractère, voilà. Alors, ça peut être très intimidant, pas vrai. Non, un personnage dans un film, je ne sais plus lequel, il disait « les femmes d'esprit m'intimident ». Voilà. Oui et non. Voilà, oui et non. Moi, je trouve que c'est bien. Moi, j'ai eu ce modèle. Voilà, j'ai eu ouais. ce modèle de femme de caractère qui menait son journal à la baguette et sa famille aussi. Donc voilà, et qui en même temps était quelqu'un d'extrêmement angoissé. C'est ça qui est ouais. drôle. Voilà. Je pense que c'est être une femme à cette époque-là. Et encore aujourd'hui ? Oui, bien sûr, mais bien sûr. Sauf qu'à l'époque, moi, tous mes petits camarades, ils rentraient chez eux. Il y avait un goûter. Moi, je n'avais pas de goûter. Enfin, maman si, à la maison. Moi, je n'avais pas ma mère à la maison. J'attends. Et pour lui poser une question, il fallait presque demander rendez-vous. Non, je rigole un peu. Mais quand même, voilà. Hein, bien sûr. Effectivement. Ouais. On va faire une deuxième coupure musicale avec Cookie Dengler. Femme libérée, bah voilà, justement. Voilà, ça tombe bien. Voilà, alors c'est un nanar de la chanson. Moi, j'adore dans les années 80. Qui ne connaît pas Femme libérée ? Femme libérée, voilà, ça nous cassait les oreilles dans les années 80. Voilà, je connais beaucoup de gens qui l'écoutaient en boucle à cette époque. Je trouve ça sympa. Voilà. Bon. Moi, j'aime bien les nanars. Donc, Femme libérée, on se retrouve juste après. C'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho s'endort, qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même. Je t'aime, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Elle aime raconter qu'elle s'est changé une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. Écoute même un petit joint de temps en temps. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile, non. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture avec Jean-Christophe Herbstein pour cette dernière partie d'émission. J'ai une dernière question à te poser, Jean-Christophe. Est-ce que tu as des projets d'écriture à venir pour 2023? Des petites choses aussi croustillantes que Kaplan? Alors oui, j'ai envie de... Alors une fois qu'on a mis le nez dans l'écriture littéraire, alors voilà... le terme est peut-être un peu fort, voilà, mais on ne peut pas s'en passer. Là, Kaplan survivra, bien sûr, hein, il ira peut-être sur la Lune, dans l'espace, okay. Bien sûr. Ouais, faire plein de trucs. Et j'ai un projet qui me tient à cœur, c'est un projet de dictionnaire d'expression jeune, voilà. Alors ça va de l'adolescence jusqu'à 25 ans, parce que dans ma vie professionnelle, que ce soit quand j'étais journaliste ou maintenant, je travaille à Métropole du Grand Nancy, donc j'ai un bureau qui est bien connu parce que c'est un bureau qui était censé être tout seul et il y a toujours un jeune dedans. Il y a toujours un apprenti, un stagiaire, quelqu'un qui est en contrat limité, etc., ouais. qui après trouve très bien du boulot. Ça veut dire que je les ai bien formés. Et en fait, je recueille leur expression. Alors donc, c'est devenu un petit jeu, voilà, de recueillir leur manière de parler, de s'exprimer entre eux, et de le traduire d'une manière, comme aurait dit ma mère, finalement, un peu Louis XIV, quelque chose. Donc, ce qui fait vraiment une espèce de grand écart qui crée un petit effet comique, voilà. Tu peux nous donner un exemple, par exemple, là, je me pète, voilà, ça veut dire je me retire dans mes appartements, voilà. Moi, je suis fan. ce genre de choses, spoiler, c'est un acte de cruauté abominable qui vise à divulguer, n'est-ce pas, la fin d'une série, etc. Oui, c'est inadmissible. Les traumatismes peuvent être... Il devrait faudrait faire un procès pour ceux qui font ça. 15 ans de psychanalyse, au moins. Voilà, et nos amis québécois, le savais-tu, Sarah, n'utilisent pas le spoiler, ils utilisent un terme que j'aime beaucoup, qui dit « divulgâcher ». C'est génial. Je trouve ça incroyable. Voilà, je vais essayer demain au boulot, je te dirai. Divulgâcher, toi. Alors voilà, tu vois, si tu veux briller au boulot ou en société, dans un dîner, voilà, tu parles de divulgâcher et ça marche très bien. Ok. Kaplan, est-ce qu'on aura une série, la suite de ses aventures ou... Mais bien sûr, bien entendu. Ouais, elle est déjà bien entamée dans ma tête. Okay. J'ai déjà mon plan, donc voilà. Oui, c'est bien. Moi, j'aime bien ce personnage, donc il va continuer. Donc, que des bonnes nouvelles. Mais évidemment. Super. Ça change. Pour clôturer cette émission, on clôture toujours par le caprice de la semaine. Un livre que l'invité aurait pu aimer, que ce soit un livre récent ou moins récent, quelque chose qui te tient à cœur ou qui t'a marqué dans une période de ta vie. Alors, il y en a plein. Je suis un boulimique de lecture. Je lis en général 3 livres en même temps. Okay. Un au bureau avant de faire ma sieste, un chez moi. Donc, Jean-Christophe fait la sieste au bureau. Exactement. C'est important de faire la sieste. Une micro-sieste, c'est très important. Très. Donc, voilà. Ça, c'est bien connu. Ce n'est pas un scoop. Voilà. Et en ce moment, qu'est-ce que je lis ? Je lis La Peste de Camus parce que je trouve ça remarquable. C'est tout à fait d'actualité et c'est écrit d'une manière incroyable. Voilà, je cite quelquefois, je peux lire du Dalmasio parce que je trouve ça aussi incroyable et tellement d'actualité également. Mais là, je suis dans ma période Camus. Okay. Je trouve ça formidable. Je trouve Super. Ça bien écrit et extrêmement d'actualité. On devrait lire La Peste. Oui. On comprendrait beaucoup de choses. Clairement. Merci Jean-Christophe. Merci à toi, Sarah. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Vous retrouverez cette émission, bien évidemment, sur www.fadjet.net à la rubrique Caprice de lecture et sur le site internet capricedelecture.fr. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt. Au revoir.